scène 2. Les mêmes, Bougrelas se ruant dans la caverne avec les soldats. En avant, mes amis! Vive la Pologne! Oh, oh! Attends un peu, monsieur le Polognard. Attends que j'en ai fini avec madame ma moitié. Tiens, lâche, gueux, sacripant, mécriant, musulman! Gueux, Polognard, soula, bâtard, hussard, tartare, calard, cafard, mouchard, savoyard, communard! Tiens, capot, cochon, félon, histrion, fripon, souillon, polochon! Les soldats se ruent sur les Hups qui se défendent de leur mieux. Dieu, quel renfoncement! On a des pieds, messieurs les Polonais. Mais de par ma chandelle verte, ça va-t-il finir à la fin des fins? Encore un? Ah, si j'avais ici mon cheval à finance! Tapez! Tapez toujours! Vive le père Hubé, notre grand financier! Ah! Les voilà! Hurrah! Voilà les pères Ubu! En avant! Arrivez! On a besoin de vous, messieurs des finances! Entre les palotins qui se jettent dans la mêlée. À la porte, les Polonais! Nous nous revoyons, monsieur des finances! En avant! Poussez vigoureusement! Gagnez la porte! Une fois dehors, il n'y aura plus qu'à se sauver! Oh! Ça, c'est mon plus fort! Oh, comme il tape!